traîne à vue. Troquer le trop lisse contre un truc charnu. Donnez-vous la peine de lâcher un peu vos précieux bas de laine et vos amis du haut des cieux. Donnez-vous le mal de prendre un autre chemin. Les collisions frontales font des bosses au quotidien. Donnez-vous la chance de faire un détour par les chemins de traverse et de voir ceux qui vous entourent. Ils sont là. Et osons faire du bien. Mettons au tapis notre condescendance. Ça je l'ai déjà dit, mais je le redis parce que je le pense. Oublie l'arrogance des évangélistes. Nous sommes en substance les plus hippies des antéchrists. Plus que du génial, nous sommes apôtres du règne animal. Aimons-nous les uns dans les autres, ils sont là. Je revais pour ma blonde mon costume de con. On a tous notre tenue de médiocre zéro. La frontière est ténue entre le rose et l'indigo. Rends-moi ce service avant que tout soit foutu. Réalise une esquisse sur la police de mon cul. L'esquisse d'un arc-en-ciel que l'unité colore. Le temps d'un TMX versus Papy Hardcore.